432, observation, present indicative of ER verbs. Il va commencer. Il va arriver. Il va étudier. Il va parler. Il va écouter. Il va regarder. Il va continuer. Il va aimer. Note that all these infinitives have the same ending, ER. Many verbs have this ending. The majority of ER verbs have similar conjugations, so that if you know the conjugation of one, you can safely guess the forms of almost all others. Observe. Je vais continuer. Je continue. Tu vas écouter. Tu écoutes. Elle va étudier. Elle étudie. Nous allons arriver. Nous arrivons. Vous allez aimer. Vous aimez ça? Ils vont parler. Ils parlent. Note that the stem is the same for the infinitive and the present indicative. Continue, écoute, étudie, arrive, aime, parle.